Radio Mont-Blanc, l'agenda. À partir de mercredi à Thonon-les-Bains, Toc en Chablais qui revient du 8 au 12 octobre pour une nouvelle édition Haute en Saveur. Cette année, vous embarquez pour un voyage sensoriel direction Capri, perle de l'Italie, et vous vous laissez séduire par la richesse de la gastronomie italienne. Nouveauté, le festival accueille une pizzeria géante en plein air où petits et grands sont invités à enfiler le tablier et à créer leur propre pizza. Le festival propose aussi une riche palette de cours de cuisine et d'ateliers, barista, œnologie, mixologie, zytologie, sans oublier les découvertes autour de différentes boissons, l'occasion idéale pour apprendre à partager des moments. Toc en Chablais, c'est aussi l'occasion de tester l'expérience unique Dinner in the Sky au-dessus du lac Léman. Le programme sur tocenchablais.com. Et puis plonger dans 3 jours d'effervescence artistique où talents émergents et confirmés vont se rencontrer pour célébrer l'art sous toutes ses formes à La Roche-sur-Foron. C'est la nouvelle édition d'Art 3F, Salon International d'Art Contemporain à Roche Expo du 10 au 12 octobre. Un événement ouvert à tous, que vous soyez amateur d'art, collectionneur ou simplement curieux de découverte, ce sera l'occasion d'acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses, peintures, sculptures, photographies. La Roche-sur-Foron, c'est du 10 au 12 octobre, la nouvelle édition d'Art 3F.